les 11 et 12 août au Parc Jean-Drapeau. Billets en vente maintenant sur heavymtl.com. En collaboration avec Jägermeister et présenté par Evenco. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Le Terminus. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan, bienvenue à une autre édition de l'émission Le Terminus. Très content d'être avec vous ce soir en direct, de retour en direct. D'ailleurs, si vous voulez m'appeler pendant la musique, vous pouvez le faire toujours au 514-343-CISM, 343-2476. Et ce soir, parmi les chansons que vous allez entendre dans la prochaine heure, on va avoir une nouveauté, en fait, le nouvel album des Smashing Pumpkins qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Également du Jeff de Brotherhood, du Peer Support et aussi du Arcondor, mais pas la chanson qui est sur le palmarès actuellement, la deuxième chanson qui est sur leur dernier 7 pouces. Et on va commencer avec du Ty Segall Band. Ty Segall et son band, donc le groupe avec lequel il tourne habituellement. Ils se sont mis ensemble pendant la dernière tournée. Et ils ont enregistré un nouvel album qui s'appelle Slaughterhouse. Un deuxième album cette année pour Ty Segall. Hein. Cette année, il avait déjà sorti avec White Fence un album plus tôt. Et en plus, l'année dernière aussi, en 2011, il avait sorti l'album Goodbye Bread. Donc, un artiste très prolifique, ce Ty Segall. Et on va entendre tout de suite la chanson I Bought My Eyes sur les ondes de CISM. I'll never see you. Sur les ondes du 89.3, c'était Adult de Ceremony, un groupe de punk californien qui est signé sur le label de Matador et qui s'est, au fil des années, quand même un petit peu assagi. Hein. On parlait il y a quelques années de ce groupe-là comme étant un groupe hardcore punk, donc on est un petit peu loin de ça maintenant, et tout en étant quand même assez lourd. Et la chanson Adult là, se retrouve sur leur dernier album, Zoo, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Et juste avant Ceremony, c'était une chanson qui date de 2004, Les Truands avec Fille de Riche. Et Les Truands, c'est un groupe de Saint-Hyacinthe. Et on va maintenant entendre, je vous l'annonçais en début d'émission, le nouvel album de Smashing Pumpkins, hein, qui ont sorti un nouvel album le 19 juin dernier. Et c'est supposé être un album qui est en fait un album dans un album, dans l'album Tear Garden by Kaleidoscope, duquel le groupe a quand même donné plusieurs chansons depuis 2009, depuis qu'elle a commencé. Qui a annoncé cet album-là. Et Smashing Pumpkins, aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment un groupe multigénérationnel avec, on a Billy Corgan, le célèbre chanteur-compositeur du groupe, qui a 45 ans et qui est entouré maintenant de musiciens quand même un peu plus jeunes que lui. Hein. Le batteur Mike Byrne est au début de la vingtaine et les deux autres musiciens sont quant à eux au début de la trentaine, donc des gens de plusieurs générations maintenant dans Smashing Pumpkins qui ne s'empêchent pas d'avoir produit un album Oceania qui est quand même pas mal intéressant, un bon album, un peu plus convaincant que Zeitgeist en tout cas. Et pour l'instant, il n'y a pas de date de tournée d'annoncer, mais on sait que ça risque d'être pas mal à l'automne prochain. On va attendre The Chimera de Smashing Pumpkins à l'émission Le Terminus. It takes a life to find the light within. Groupe de Montréal, Le Trouble, avec Help You Out, qui se retrouve sur un album qui s'appelle Reality Strikes, qu'ils ont sorti au mois de mars dernier. Et on sait pas grand-chose sur ce groupe-là, Le Trouble, à part que ça a été formé par un gars de Québec et un gars d'Australie. C'est pas à côté, donc j'imagine que le gars d'Australie est maintenant rendu dans le coin de Québec ou de Montréal. Et pour les fans de Fanny Bloom, elle fait une apparition sur une des chansons de l'album que vous pouvez retrouver sur Bandcamp, donc letrouble.bandcamp.com. Et avant Le Trouble, vous avez aussi entendu Hypnotic Mind du duo de Nashville, Jeff de Brotherhood. Mais de toute façon, si vous voulez retrouver la liste des chansons qui ont joué ce soir, c'est toujours le CISM893.ca. Et la balado-diffusion aussi sera disponible quelques minutes après la fin de l'émission, vers 8 heures. On poursuit avec un autre duo. Cette fois-ci, ils s'appellent Tashaki Miyaki. Ils sont de Los Angeles. Ils n'ont pas du tout d'origine japonaise. Ça n'a pas rapport. Et ils ont lancé une espèce de EP de shoegaze dream pop l'année dernière. Et ils ont du nouveau matériel qu'ils vont lancer là, au mois d'août prochain. Donc, c'est à suivre. Tashaki Miyaki. Et en attendant, je vous conseille de regarder les vidéos qu'ils ont faites sur Internet, là, qui sont inspirées, entre autres, du cinéma de la Nouvelle Vague. Alors voici leur chanson Happiness sur les ondes du 89.3 CISM. Vous écoutez toujours l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan toujours avec vous jusqu'à 20h. Vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Et c'était pas mal indépendant ce qu'on vient d'entendre. Un peu indépendant, c'est Eric Stripp avec Harley de leur album Purple Blue qui est sorti en 1996. Hein? Et Eric Stripp, une formation qui est lo-fi des Maritimes. Et cet album-là qui est sorti en 1996 aurait été en fait leur dernier album avant leur séparation un peu plus tard cette année-là. Et Eric Stripp aura été le premier groupe canadien à avoir été signé sur la prestigieuse quand même étiquette de Seattle de Sub Pop. Donc c'est pour ça que je parlais d'indépendant, mais peut-être pas tellement parce qu'ils ont signé quand même sur un gros label dans les années 90. Et suite à leur séparation, ils ont quand même fait là, dans les dernières années, en 2001 et 2005, là, quelques spectacles dans leur coin d'origine, donc dans les Maritimes. Et donc, pas de nouveau matériel, par contre, à l'horizon pour ce groupe-là. Mais pendant tout ce temps-là, il y a quand même des membres du groupe qui ont continué à rouler. Et entre autres, Julie Doiron, que vous connaissez peut-être, et son groupe de Wooden Stars, qui a quand même connu une belle carrière solo jusqu'à maintenant. On va continuer dans le canadien avec, cette fois-ci, un groupe de Calgary qui s'appelle Peer Support. On a reçu leur EP à la station la semaine dernière et ça manque peut-être un petit peu de raffinement, mais ça a quand même son charme. On écoute tout de suite Parts Unknown de Peer Support à CISM. I'm Thank you. Or Condor avec Motoriste, la version écourtée pour la radio, la version originale de Motoriste fait à peu près un peu plus que 6 minutes. Et c'est une chanson qui accompagne Machine, qui est actuellement sur le palmarès chanson franco. Donc accompagne la chanson Machine sur un 7 pouces qui a été lancé à la fin du mois de juin. Et il semble que le groupe là, aime beaucoup l'idée de sortir des chansons sur des 7 pouces. Et donc il semblerait qu'on aurait d'autres 7 pouces à venir dans les prochains mois. Donc au moins d'ici la fin de l'année, un autre à se mettre sous la dent. Et on va enchaîner avec un groupe stoner rock local qui sonne un petit peu comme Motoriste, mais pas pareil en même temps. Il s'appelle Cheval Fou. Voici Gaz Moutarde sur les ondes de CISM. Et méchant. J'ai que ça. Les gars, we'll be right back. Position numéro 24 du palmarès chanson francophone de CISM, c'est Kepler avec la chanson Risquer sa tête et ça se retrouve sur un EP de 3 chansons qui s'appelle Matière grise et le groupe serait déjà en train de travailler sur un premier album complet, donc c'est vraiment à suivre. Kepler qui s'écrit K-P-R-L. Et juste avant Kepler, c'était la toute nouvelle chanson de... qui est le projet de Mark Manone, un Australien qui était auparavant bassiste dans un groupe dont j'avais pas vraiment entendu parler qui s'appelle The Locksmiths, qui sont séparés en 2009, qui faisaient une espèce d'indie rock et indie rock et indie pop sur les bars et ça continue toujours avec son projet solo qui s'appelle maintenant Manone Alone, j'aime ça dire ça. Et pour retrouver hein, la liste des chansons, balado diffusion CISM893.ca, tout y est. Restez à l'écoute, après les pubs ce sera Étienne Champagne et son émission Rythmologie. Et ensuite, ça sera 12 pouces dans le jazz à partir de 22h. On va se quitter sur la musique de Paper Tree, la chanson Affiche-moi. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Passez une très bonne fin de soirée, bonne fin de semaine, etc. À bientôt.